vous êtes membres tous deux de la communauté d'Ormont. Communauté secrète, cachée aux yeux des autres, que vous avez coutume d'appeler les têtes noires. Parce qu'on les contemple des hauteurs, comme peuvent le faire, pourraient le faire les dieux anciens. Valkoff, as-tu une croyance ancrée en toi Non. Je reste fondamentalement convaincu que l'existence n'est due qu'un hasard et que personne ne l'a recherché. Tu ne places pas ta ferveur en des augures, des croyances. Aucunement. Qu'en est-il pour toi, Trivatre? Non. Je ne crois pas ce que je n'ai pas vu. Judas? C'est pas Judas. Je ne crois que ce que je vois. Non, c'est pas Judas. Dans la tradition chrétienne, c'est Saint Thomas. Excuse-moi. Pour autant, ce n'est pas un avis unanimement partagé au sein de la communauté qui a dû se confronter à diverses engeances surgies des forêts très ténébreuses qui ceinturent la haute vallée d'Ormont. J'ai conscience que le fait de ne croire en rien est loin d'être majoritaire, mais je ne le prône pas pour autant face aux autres. Et chacun tente de respecter les croyances d'autrui. La communauté d'Ormont est bâti sur une tolérance, une grande tolérance à l'égard des autres. Pas forcément une grande tolérance, mais une tolérance suffisante pour éviter qu'on se tape dessus juste pour un différent au niveau des croyances. C'est peut-être déjà un différent d'importance. En d'autres temps, d'autres lieux. Et à en croire, non pas les livres techniques, mais les quelques chroniques éparses qui sont conservées dans la tour de Triglaf. Il se pourrait que bien des heures et bien des malheurs qu'aient connu la grande famille des hommes proviennent de leur manque de tolérance. La communauté tisse sa vie quotidienne autour des tâches indispensable à l'alimentation à l'alimentation de la communauté. La saison morte donne lieu à de grandes réjouissances car les cornouilles tombent mûres au pied des arbres. On les récolte et on s'engave avec volupté. C'est un temps d'abondance avant l'assaut du grand hiver qui blanchit totalement la vallée et limite les activités. On va y entretenir l'intérieur des maisons, réparer les outils. Le reste du temps est consacré à conter des histoires, hein. Entretenir des bonnes relations au sein de la maisonnée, puisque chacun va être attaché à une maisonnée. Passé l'hiver, au moment de la débâcle, c'est le temps des changolos où la neige vient enrichir les sols. La neige et l'eau se mêlent et dans ces champs découverts, on peut y réaliser les semailles. Les bêtes qui ont été abrités pour l'hiver peuvent retrouver les pâtures que vous avez ménagées au sein de l'enclave, loin de l'exubérance de la forêt de Millevaux. Et tout à chacun peut vaquer à ses occupations, retrouver qui le champ et d'autres entretenir le faisceau de canaux qui alimente ceci en dehors de la saison où la neige va brûler les scories qui entrave les graines et leur exubérance. Vous amendez aussi les sols. Tout est fait au sein de la communauté pour que l'ensemble des travaux des uns et des autres fructifie. Ce qui vous différencie essentiellement des autres, des têtes noires que l'on peut trouver dans la plus proche communauté dont vous connaissez bien évidemment l'existence, mais que vous évitez scrupuleusement, vous savez que non loin, un groupe d'hommes de têtes noires s'est rassemblé dans les ruines du temps d'avant, à Mortagne. Mais ils ne partagent ni vos vues, ni vos coutumes. Et c'est avec méfiance que régulièrement, certains d'entre vous vont sur les chemins qui courent le long de votre enclave pour en garder les issues et les protéger des affres de l'extérieur. Dans les chroniques, il y a bien eu autrefois des liens, mais ce que l'on sait confusément et ce qu'affirme avec force celui qui fait office de guide, celui qui traîne la plate, le Bellistiu, c'est qu'autrefois furent peu fiables et ils étaient parmi les plus fidèles serviteurs de Triglaf. Gabriel, tu n'as pas défini l'art de Valkov. Est-ce à dessein parce que tu souhaites l'exprimer plus tard ou Il est potier. Il est potier. Il fait les vases. Et pas vraiment véritablement les couverts, mais les plats de la communauté. Régulièrement, la communauté se relaie, notamment au col, où les anciens, ceux qui... autrefois ont régé la communauté, ont dressé des statuaires dans la roche rouge de leur mont pour que les têtes noires réfléchissent à deux fois avant de menacer votre quiétude. Votre vie qui pourrait paraître austère, rythmée par les travaux des champs et des bois, rythmée par le bruit des outils qui courent sur les matériaux, le sont également par les corvées auxquelles tous et toutes sont astreints. Et ces corvées consistent à assurer la surveillance et la protection des abords de l'enclave, de s'assurer que aucune tête noire, aucun orla ne viendra menacer la paix établie au sein de la haute vallée d'Ormont. Comment, Trivatre, envisages-tu cette tâche? Est-ce pour toi à proprement parler une corvée ou considères-tu qu'il s'agisse d'un point important pour la survie de la communauté? Je préférerais m'occuper des canaux ou du puits. Mais bon, il faut bien s'en charger à tour de rôle. Tu le fais donc à contre-cœur, mais avec... À contre-cœur, mais je le fais quand même. Tu veilles sur les hauteurs. Il est de coutume que les veilleurs, ceux astreints à cette tâche, se munissent d'un arc pour dissuader toute intrusion et soit muni d'un lourd pour avertir la communauté, un lourd de votre facture qui sonne comme parfois sonnent les créatures au-dedans des bois. Vous avez établi la note de façon à ce qu'elle réponde à l'harmonique près, à celle qui émane d'au-delà des cols, dans les profondeurs des bois. Et donc lorsque l'un d'entre vous vaque à cette tâche, il est toujours lesté de son lourd, de son carquois et de ses flèches. Valkov, comment envisages-tu pour ta part la garde? Je me dis que c'est un. Ce n'est rien de passionnant, mais qu'il est vital pour nous tous d'assurer la garde du col afin d'éviter l'intrusion de notre territoire par les Orlas ou par les têtes noires, Schwarz, Kopf. Ta condition depuis Zatier te permet, Trivatre, de te soustraire à de nombreuses tâches, puisque c'est une tâche méticuleuse que celle d'entretenir l'ensemble du réseau. Et pour ce faire, vous n'êtes que peu nombreux à maîtriser totalement les mystères et les voies de l'eau, mais aussi les techniques qui permettent d'entretenir tous les chenons, de couper savamment le cornouiller pour qu'il épouse le goulot suivant, sans perdre l'eau précieuse qui s'écoule de la vive rivière. Quelles sont les corvées ou les tâches auxquelles tu déroges? Certaines tâches comme la pêche de temps à autre pour récupérer le peu de poissons qui arrive par notre rivière, la récolte du peu de fruits de nos peu d'arbres fruitiers. Et c'est globalement tout. Accompagnes-tu le bétail sur les hauteurs Non, c'est plus le rôle de Des plus jeunes? Non, de la personne qui en est chargée la plupart du temps. De nos élèves. Je sais pas si je pouvais le dire. Donc, la communauté compte des vachers. C'est plus le rôle des vachers. Et du chevrier. Et chevrier. La chèvrerie est tenue par quel membre de la communauté? Par l'un des noms. Par Igor. Il a même pas de cette bouche. Il a manqué de l'éteindre au moins un peu. Donc ça fait un peu plus de temps que je m'amuse avec la flamme. Au moins 5 fois où elle était Donc, presque. Igor et le chevrier. Ok. Arrête avec ces bougies. Non, qui est plus, le vacher? Je sais pas. Attends. Comment ça se dit? Kolia? Oui. Nikolai, c'est pas un truc. Kolia. C'est un diminutif de Nikolai. Et on lui donne volontiers parce que c'est un jeune garçon robuste que l'on destine probablement. J'ai pas fait exprès. Que l'on destine probablement à autre chose plus tard, car il a des gestes sûrs, une grande assurance et une toujours égale bonhomie. Et sa face lunaire aux yeux globuleux, même si elle n'affecte pas les canons de la communauté, pourrait le conduire par les talents avant évoqués à te succéder dans ton rôle et il pourrait devenir ton apprenti. Encore faudrait-il que parmi les plus jeunes, un autre reprenne le rôle, son rôle. Reprenne son rôle, tout à fait. L'une des particularités de la communauté est de considérer comme l'affect les statuaires que le savoir ne peut s'accumuler que dans une tête bien conçue. À cet effet, dès leur plus jeune âge, les enfants sont emmaillotés. La tête des enfants est emmaillotée afin d'être comprimée, allongée, de façon à ce qu'ils emmagasinent le plus de savoir. Et que la sagesse des anciens puisse s'y déposer. Dans la tour, on conserve, outre surveiller l'homme, les techniques d'autrefois, les crânes des plus sages. Témoigne de la lutte qu'ils ont livrée contre le cruel Triglaf et ses séides. Lorsque la communauté est en proie au doute, on consulte le crâne de l'ancien Freud. Et chacun vient tente de recueillir son savoir. Du moins, est-ce la croyance populaire? L'image est quelque peu pixelisée dans cette résolution. Ça me dit quelque chose. Ça peut te dire quelque chose? Ça me rappelle. Vous êtes dans un documentaire, non? Pardon? Vous êtes dans un documentaire ou c'est un photomontage? Enfin, c'est un. Peu importe, on l'évoquera éventuellement après la partie. Alors, déjà, il fait deux fois sa tête normale, mais ça, c'est un détail. Oui, j'avais bien vu. Oui. Vous avez bien évidemment la même allure. Vous portez, c'est pour ça que je l'avais mis, vous voyez, il y a des petites ligatures avec, on place des plaques sur les joues en bois pour contraindre et assurer une pression constante sur la boîte crânienne pour qu'elle se développe dans le sens voulu et que l'on obtienne l'élongation désirée qui permette d'accueillir le plus grand volume crânien et le c'est plus de savoir. Débile ! C'est pas parce que je vais forcer l'os à se développer que le cerveau à l'intérieur il va se développer. C'est pourtant ce que consacre la coutume. Vous m'avez confié que Trivatre et Valkov, quoique n'ayant pas de conviction chevillée au corps en matière de croyance, respectaient celle des autres et celle de la communauté. Oui, j'ai pas dit que c'était des biens. Je sais plus si j'ai dit que j'étais tolérant, mais en tout cas, c'est... Enfin, je sais plus si je l'avais dit quand j'avais parlé. Moi, c'est l'idée, je l'ai sûrement pas formulée, mais c'est l'idée que j'avais en... J'ai dit que la majorité de la communauté était plutôt tolérante. Pas dit que toute la communauté. Et malgré cette particularité qui emporte toute une série de prescriptions pragmatiques pour obtenir l'élocution voulue ou la forme crânienne voulue pour pouvoir siéger parmi les hommes d'Ormont, les hommes et les femmes d'Ormont, ce qui illustre le mieux la tolérance qui prévaut au sein de la communauté, c'est que certains soient tolérés dans leurs différences et que l'on accepte que certains se comportent différemment. Pobnik et de cela. Il figure parmi les anciens inaptes. On pourrait le considérer comme inapte, ou du moins il l'est aux yeux de beaucoup de membres de la communauté, car il se risque souvent, et il est le premier à errer aux limites de l'enclave. Pobnik a la particularité de passer le plus clair de son temps oui. À bagnoder hors de l'enclave. Aux limites de l'enclave. Il est celui qui entretient l'arboretum. Qu'est-ce que l'arboretum ? Le verger où poussent vos cornouillers. Okay. Pour préserver les arbres des vents mauvais qui cinglent les hauteurs à la morte saison, des halliers ont été aménagés, de grosses haies vives à l'abri desquelles, en alternance des majestueux cornouillers que vous entretenez, vous avez planté d'autres essences qui viennent agrémenter l'ordinaire de la communauté, quelques plantes médicinales, quelques floralies qui permettent d'ajouter quelques touches florales à vos soupes et bouillies. Et s'il en est un qui ne renâcle pas à cette tâche, c'est bien cet original. Toutefois, il a une obsession guère prisée des autres, sitôt les champs golos. Il en profite pour vadrouiller, courir toutes les sentes, tous les recoins de la vallée, en parlant plus aux oiseaux et à lui-même qu'à ses pairs. Certains considèrent qu'il a trop écouté le chant lointain venant des hauteurs et que il est habité en partie, touché par l'ombre qui plane sur ses hauteurs et qu'un peu dehors là est en lui. Mais avec son chapeau de cuir sur la tête, un chapeau du temps jadis qu'il a précieusement glané de ses aïeuls et qu'il conserve toujours par devers lui, il court la campagne à la recherche des meilleures pièces pour son grand œuvre, car il vadrouille pas vainement, mais dans un but avéré et connu de tous. Il dit que tôt ou tard, les eaux noieront la vallée et qu'au temps de cette débâcle, il faudra s'envoler. Et il est convaincu qu'il va construire la nef qui pourra emporter les plus vaillants de la communauté. Oui. Et inlassablement, il sélectionne les meilleures branches des arbres qu'il cultive avec amour, les taille, les assemble, les ligatures, négocie âprement les moindres pièces et rebuts de tissu pour assembler les grandes ailes de sa nef qui lui permettra de prendre son envol. Cet original à la parole lente et hésitante, qui semble porté par des vents que lui seul ressent, s'est installé à la Varebo, où ce que Colia désigne et que vous désignez comme la Voivre, là, aux abords de la rivière, là où elle s'écoule enfin librement vers la vallée, après que vous en ayez capté une partie et détourné une partie du flux pour alimenter vos champs, et où le peu des eaux de ruissellement qui n'ont pas été toutes bues, absorbées, licorées par vos cultures, rejaillit dans celle-ci, là où la vallée s'enfonce dans la noire forêt de Mortagne, il a installé sur un promontoire sa nef. Et il y passe le plus clair de son temps, sitôt la fête du renouveau passée. Au moment où, enfin, vous pouvez chacun avoir un temps pour vous, un temps pour soi, autre que le temps des autres. Dans la communauté, il y a une autre originale. C'est la grande rouquine Morjana qui fait office de rebouteuse, celle que l'on consulte lorsque les douleurs se font trop vives, les douleurs liées aux travaux des champs, les douleurs liées aux postures que l'on garde dans le froid mordant des matins de travail. Elle qui connaît les simples et toutes les herbes qui sont disséminées dans l'arboretum du vieux. Elle est la seule à, parmi les femmes, à courir tête nue et n'avoir guère connu le joug de la contrainte des plaquettes de bois que tous les enfants chaussent dès leur plus jeune âge. Elle en a probablement eu toute jeune, elle est légèrement plus âgée que vous, mais protégée par le Bellistiou et par l'amour que lui portait sa mère, on n'a jamais songé à couper son abondante toison rousse qui lui arrive maintenant jusqu'à la taille. Et elle est la seule des femmes qui ne porte pas le châle sur la tête et laisse ses cheveux libres au vent. Elle aussi court gaillardement la campagne à la recherche des simples et tout le monde tolère volontiers ses vagabondages pour les bienfaits qu'elle dispense à la communauté. Est-ce qu'on entend par bienfait ? Pardon ? Est-ce qu'on entend par bienfait ? Les soins qu'elle prodigue aux gens qui en ont le besoin. La fête du renouveau passé, le ventre bien rebondi, chacun met moins d'ardeur à accomplir sa tâche et volontiers prend des chemins de traverse et vagabonde librement autour des maisonnées, devisant gaiement. C'est une période de gaieté. Les travaux reprendront rapidement, mais c'est un moment de grand plaisir. Le mois de péril, le mois de la débâcle est passé. On a l'esprit beaucoup plus léger et sur la communauté souffle un petit vent de liberté. le vent de liberté qu'entonne volontiers Bobednik. Il est des chemins inconnus des hommes, il est des chemins si aériens. C'est la phrase qu'il ressasse très régulièrement à qui veut bien l'écouter et qu'il sort tout à trac, souvent hors de propos, perdu dans ses pensées, perdu dans son errance intérieure, isolé du reste de la communauté. Les oiseaux sont partout autour, dans les champs, on laisse les enfants baguenauder eux aussi, espérant qu'ils pourront disputer leur provende aux oiseaux et préserver plus efficacement les semailles que ne le ferait l'épouvantail, leurs cris joyeux, leur cavalcade. Sont là pour dissuader les oiseaux voraces venus des hauteurs pour picorer vos graines âprement disputées à la terre avide de mille veaux. Tu te tiens, Privâtre, à l'entrée de l'arboretum, près d'une grande auge qui a été ménagée pour avoir une réserve d'eau à tout moment et pouvoir arroser librement les plantes les plus gourmandes de celui-ci, t'assurant du bon écoulement de l'eau. Et il se trouve que à cet endroit le réseau a été quelque peu négligé et malmené par l'hiver. Le dernier maillon a été éclaté par le gel. Tu t'es employé déjà toute la matinée à former une nouvelle pièce qui viendrait le remplacer dans une branche de coudrier qui avait été qui avait été mise à sécher un hiver passé. Travaille donc depuis un long moment sur ta pièce, tu es en train de l'ajuster et tu as appelé Valkov pour qu'il t'aide à assurer la prise de l'ouvrage, mortaiser les pièces pour qu'elles ne se disjoignent pas et qu'elles ne fuient pas. Il est là pour assurer que tout s'emboîte correctement et t'aider à manipuler ton ouvrage du jour qui fait bien 2 mètres de long, une pièce d'un seul tenant qui permet d'imprimer à l'eau ses derniers ruissellements vers le grand bac. Vous achevez l'ouvrage et songez déjà au moment où vous pourrez retrouver vos esprits et vagabonder vous aussi, et c'est alors que Bobednik se place devant vous, tout droit, puis sautillant, attirant votre attention, dansant d'un pied sur l'autre. C'est pas banal. V'là que les lièvres se mettent à pondre des œufs. Quoi ? Lièvres pondent des œufs ? Comme je te le dis. Où ça va ? Alvar est beau. Je vais là-bas pour la nef. J'avais vu beaux œufs, tu sais. Bien blancs, bien rutilants. De lièvre. Bah, ma foi, je pensais que ça était quelque oiseau que je connaissais pas. Et non, ce n'étaient pas les oiseaux. Les oiseaux sont partis ailleurs, mais sont pas arrivés là. Non. Là, je suis en train de survivre. Que je suis sûr. Il se gratte la tête. Là, on était en train de surveiller ou j'étais en train de rafistoler le machin ? T'es en train de rafistoler ? Je finis de rafistoler le conduit d'eau. Et j'irai voir. Préviens les autres. Ah, je te préviens toi parce que toi tu sais. Toi à la tour tu vas. Moi je vais pas à la tour. Tu vas peut-être pas à la tour, mais je ne sais pas. Enfin, à ce que je sache, aucun lièvre ne pond d'eux. Ah, j'avoue. Plein de lièvres. Il y en a plein. Là, en ce moment, c'est le ton des lièvres. Il y en a partout. Ça trompe. Ils se répandent partout. T'as pas vu leurs oreilles frémissantes ? Partout. D'ailleurs, juste derrière lui, tu aperçois deux grandes oreilles qui se dressent. Bah tiens, il y avait un lièvre qui était derrière toi. Non, il vient de partir. Ils sont partout. Partout. Et pondent des œufs. Est-ce que tu peux aller prévenir les... Je pense que ce sont des lapins tueurs. Ah oui, c'est un lapin, ça. Alors, tu vois, cette tête caractéristique, c'est celle de Tweb quand il va te tuer. Bref, blague à part. Est-ce que tu veux bien les prévenir les autres, car moi je dois finir de réparer ça. Je vais prévenir ce que je vois, mais je retourne à ma nef. J'ai encore bien du brin à faire. D'accord, merci quand même. Et là, bah, je finis de ficeler mon machin. Je te parle houilleux. Hein? Je te parle houilleux. Je travaille. J'ai pas dit le contraire. Moi aussi je travaille, c'est pour ça que je suis pas parti prévenir les autres et que je t'ai demandé de le faire. Excuse-moi, je pensais pas que tu travaillais pas pour autant. Merci de m'avoir prévenu. Mais je te le dis, plein de lapins qui sautent partout et qui pondent des œufs. Plein de lapins. Lièvre, c'est la même chose. Il a dit plein de lapins. Tu n'avais pas dit lièvre tout à l'heure ? Bah, lièvre, lapin, garenne, c'est tout comme. Non. En tout cas, c'est pas des oiseaux. Vole pas, ceux-là. C'est vrai. C'est ça, vole pas. Bon, du coup, c'est une rafistolée, mon truc. Il est là, l'autre douille. Bah oui, je t'aide. Bon, tu vas prendre les autres, toi, ou t'as une idée ? Ce sont des lapins. C'est normal que ça ponde des œufs, des lapins. Alors, tu vas manger ce qui te sert de cerveau et tu vas aller prévenir les autres. Ok, d'accord, je vais disparaître dans l'alcool. Considérez-vous que cet original puisse dire vrai? Malheureusement, oui. Penses-tu que... Ça m'étonnerait qu'il fasse une mauvaise blague. Pourquoi il ferait une mauvaise blague avec des lièvres, des lapins, des... Des osios. Des non-oiseaux qui pondent des œufs. C'est pas que des oiseaux qui pondent des œufs. Donc il a dit que c'était auprès de la rivière, vous vous y rendez Oui. C'est non loin de l'endroit où il entretient sa nef. Bah on y va et on revient réparer le truc. Hein. Vous étiez en train de vous assurer que mort les prenait, une fois que c'est fait, vous vous y rendez. Ok. Et donc sur place, aux abords de la rivière, vous apercevez les pièces de tissu à l'abri d'un vieil arbre au ramage impressionnant qui borde l'eau, un vieux saule isolé sur lequel il appuie tout son travail et ma foi, effectivement, à cet endroit, il y a nombre de lapins qui... Et il y a les œufs dont il nous a parlé. Plus que lapins, vous diriez effectivement garennes. Ils sont massifs, super poilus. Lapin, hein, super lapin. Un poil garenne, abondant. C'est le lapin sauvage. Bah super lapin, super lapin. Mais super lapin tueur, pas lapin. Mais vous n'en avez jamais vu un aussi grand nombre courir. Et les lapins, on les aperçoit plutôt dans aux abords des champs, et en tout cas, ça pourrait être redoutable pour vos semailles et vos premières pousses. Alors je propose les réduire. Prévenir les autres, mais avant qu'on trouve ces satanés œufs. Non, je propose qu'on tue tous les lapins pour en s'en faire de la viande, comme ça ils viendront pas détruire nos récoltes, et en plus on a un supplément de nourriture. Je vais prévenir les autres. De son plan machiavélique. Du plan machiavélique des lapins avec leurs œufs. Et des dangers du plan machiavélique des lapins. En fait, vous ne. On ne voit toujours pas les œufs. Vous ne voyez pas, à proprement parler d'eux, mais des espèces de. Ça pourrait de loin ressembler à des œufs. Des boulons blancs, d'un blanc laiteux. Mais lorsque vous mettez la main dessus, convaincu qu'effectivement il s'agit d'eux, lorsque tu poses ta main dessus, ça a une consistance huileuse, pas du tout la consistance des œufs que tu peux trouver dans ton poulailler, outre la blancheur immaculée. Ces œufs de forme oblongue font près d'une douzaine de centimètres de haut, profilé. Je sais, si j'ai mis un gilet, c'est pas pour faire le guignol. Je sais que ça en a l'air. Profilé, oblongue. Et donc, outre leur aspect laiteux, elles, au toucher, ça a une consistance huileuse et au-dessous, c'est presque mou. Lorsque tu as posé ton doigt, ça s'est légèrement affaissé, puis ça a repris sa forme initiale. Et sur ton doigt, il y a une substance huileuse qui sent atrocement mauvais. Tu l'as approché instinctivement de ton nez, et ça sent... Alors j'ai l'impression que c'est les selles des lapins. Ça sent comme la selle, oui, ça sent la même odeur que... Un lapin, ça fait des petites crottes. C'est la même odeur qui peut régner dans la Stoï lorsqu'on l'a pas entretenu. Plan machiavélique des lapins. Après le plan machiavélique de Falkov. Dis-le à l'allemand. De Falco. De Valkov. On a le plan machiavélique des lapins. Bref, bah, je vais prévenir le monde du plan machiavélique des lapins et du plan machiavélique de Valkov. Est-ce que tu ramènes, je suppose, un... Ouais. Et je pense que je me rincerai les mains après, mais... Quand tu t'en saisis, ça... Ça résiste quelque peu, c'est... enfiché dans le sol. Tu l'arraches, ça fait un... Un petit bruit, voisin de ce que tu as fait, mais dans l'exagération et la caricature. Mais il y a un petit bruit, et comme si une veste se vidait, ce que tu as arraché s'affaisse. Et l'odeur nauséabonde se répand. Il n'y a rien qui sort de la poche. Il y a cette espèce d'huile qui suinte et... Une espèce de... La même substance visqueuse qui était à l'extérieur, qui se répand par le trou que tu as aménagé à la base et qui se répand au sol dans une odeur de merde infâme. Il y a juste ce liquide qui sort, il n'y a rien d'autre. Oui. Ok, c'est bon. Bah, du coup, je vais ramener ça. Un liquide, une humeur jaunâtre, ouais, constellé de petits points noirs. Ok, c'est la super crotte des lapins. Ils ont pris leur crotte et les ont mis dans un Kinder Surprise. L'odeur te, sur le coup, me fait tourner la tête. Te suffoque et tu as un haut-le-cœur. Tu lâches l'objet et il faut un temps pour prendre de l'air, respirer à plein poumon un air plus sain, plus frais. Donc vous munissez-vous de néanmoins Bah on l'a pas pris pour rien l'œuf. Dites-toi qu'il le prend. Moi je tue les lapins. En fait d'œuf ça ressemble à une espèce de... C'est semblable à la veste de loup mais d'une forme différente, oblongue, comme celle d'un œuf. Un gros œuf. D'un blanc laiteux, couvert d'une humeur qui est visqueuse et une odeur infâme. Donc, sous quel angle le présentes-tu à la tour des anciens, à la tour de Triglav? Une fois à la tour de Triglav, je pense qu'il y a des gens habillés. Oui, mais d'ordinaire, lorsque on communique, c'est le soir venu, quand chacun a vaqué à ses occupations, au moment du souper, ceux qui... Au moment du souper, je dis à tout le monde qu'il y a plein de lapins. Plein. Ouais, de trucs. Il y a une différence entre les deux. Beaucoup en conviennent, on a aperçu beaucoup et de lapins. Et qu'il y a quelque chose qui ressemble de loin à un œuf. Cette chose que je montre après l'avoir posée par terre, ça sent mauvais, il y a une sorte d'huile dès qu'on touche l'extérieur, et j'ai dû l'ouvrir, mais à l'intérieur il y a cette même huile. Et d'ailleurs ça sent vraiment mauvais, je vous déconseille de le toucher. Et je suppose qu'on a suffisamment d'eau pour que je puisse me rincer les mains. Bah, du coup je me rince les mains, parce que ça... Parce que j'ai dû la prendre pour la remontrer, donc je me rince les mains. Donc Moi je le passe et je dis... Et Standou, il propose de tuer tous les lapins. Pourquoi tuerions-nous tous les lapins? Pour éviter qu'ils saccagent nos récoltes. Ainsi, nous gagnerions et viande et récolte pour cette année. Le boiteux prend la parole et... et exprime son assentiment de l'Istio. Si fait, c'est frapper au sort du bon sens. L'abondance de lapins nuira à la communauté. Il nous faut, apôtre Minet, nous munir de nos arcs et éliminer cette population qui aura tôt fait de réduire à néant tous nos efforts. C'est ce que je signifiais, mais en plus, elle pourrait nous servir de... Elle pourrait servir d'aliment à la communauté. Je mange pas de lapins s'ils ont la même odeur que ce truc. Nous ne savons pas d'où ils viennent. Je doute que les lapins aient pondu les œufs comme Pobnik le pense. Ils sont un peu grands, des œufs, pour être pondus par les trucs. Il faut appeler... Le récit de Pobnik, rapporté par vous, a déclenché, bien évidemment... des fous rires. L'hilarité générale et nombreux parmi les gamins collaient en tête singes, Pobnik et ses lapins partout. Non, c'est moi qui ai dit partout. Qui pondent des œufs, des gros œufs blancs. Et au sein de l'hilarité générale, la communauté s'accorde pour convenir qu'il est temps de mettre un terme à la prolifération des lapins. Non, on a fini le premier. Ouais. Je joue peut-être pas joueur, mais. Je suis fatigué personnellement, est-ce qu'on peut s'arrêter là? Ça tombe bien? Oui, bah ça tombe bien, tant mieux. Mais tu sais, c'était absolument prévu à la base. Ah, super enregistrement.